39e chapitre. Notre caravane au saut du lit. Le cuisinier Hassan à l'œuvre. La maison du maire de Kurdan. Les ex-voto sur la route. Les habitations. Les trois femmes d'un paysan persan. Mon accès de gaieté fut suivi d'un repos que j'avais bien légitimement acquis, après avoir été secoué toute une journée dans la quête j'avais. À peine avais-je fermé les yeux que je fus invité à me préparer pour le départ. Je maugréai contre cette dure nécessité qui me semblait excessive. Mais il fallut s'exécuter. Lorsqu'on va en caravane, on est obligé de se lever au milieu de la nuit pour pouvoir partir à l'aube. Le voyageur en caravane n'est pas conservateur. Il défait le matin son travail de la veille. Mes préparatifs terminés, je m'amusais à voir chacun à l'œuvre. Hassan, le cuisinier, emballait ses marmites après avoir soigneusement garni les sandwichs faits de lavatch avec les restes de viande du souper pour le déjeuner en route. L'un infusait le thé pendant que l'autre sanglait un marfrache contenant la literie. Un troisième roulait les tapis, opération qui se fait en dernier lieu. Ces apprêts prennent plus de temps que la toilette du matin. Sous ce rapport, on est vite prêt. Personne ne se déshabille. On suit en cela l'exemple des djellodars et des tchawadars qui se couchent sans ôter le moindre vêtement. Note. Marfrache, grand sac en tapis servant de malle. Fin de note. Leur costume se compose d'un ample pantalon, d'une large veste longue, de souliers en tissu blanc et de bandes en laine roulées autour des jambes jusqu'aux genoux au lieu de bas. Ils gardent aussi la keffieh, les musulmans ne se découvrant jamais la tête. En Orient, le crépuscule n'existe presque pas. La nuit arrive tout à coup, sans transition, et le jour apparaît de même. À l'aube, nous nous remîmes en marche et nous traversâmes un pays aussi peu intéressant que celui parcouru la veille. Nous fîmes une halte de quelques instants au palais royal de Kerch, situé au bord de la rivière du même nom. Note, Kerch signifie en turc chaud, comme la chaux. Fin de note. Cette résidence n'a pour tout mobilier que les portraits des chats de la dynastie actuelle. Lorsque Nasser Eddin s'y rend, on transporte tout ce qui est nécessaire à son installation et à celle de ses femmes. À mesure qu'on avance vers l'intérieur, on remarque plus de mouvements sur la route. Cette animation s'accentue en approchant du village de Kurdan, à 6 farsaks de Myangoub. De tous côtés, cette bourgade offrait au regard une teinte grisâtre. Un sol boueux, des maisons construites en terre et un ciel gris de plomb. La végétation y est tellement en retard que le 27 mars, les arbres n'avaient encore aucune trace de pousse verte. Tout était morne et sombre dans la nature, et l'on aurait pu croire, comme on me l'affirmait, peu de jours de soleil suffisaient pour transformer cette région si fertile en blé, en fruits, en coton, etc. Cet endroit a une grande réputation pour ses galettes fines, remplaçant le pain et bien supérieures à celles qu'on trouve dans la capitale. L'arrivée d'une caravane dans un village est toujours un événement. Poussée par la curiosité, la population afflue dans les ruelles étroites, bordées de masures, et prodigue aux voyageurs des offres d'hospitalité dans l'espoir d'un généreux pourboire. Ces invitations sont acceptées avec empressement, surtout là où il n'existe pas de caravansérail. À Kurdan, le maire du village nous offrit sa maison et donna son étable à nos muletiers et à leurs mulets. Nous dûmes l'honneur de ce logement à l'écrit du grand vizir dont j'étais muni. Plus que partout ailleurs, le voyageur en Perse peut dire avec raison que les nuits comme les jours se suivent et ne se ressemblent pas. La demeure du maire fut pour moi une surprise. J'y trouvai un intérieur propre et même coquet qui me charma, surtout en me rappelant le misérable caravansérail de la veille. Les chambres étaient garnies de tapis tissés par les femmes du logis. Note, le tapis du milieu est nommé Miyane, les bandes de côté Kénard, fin de note. Des niches couleur de terre, enjolivées de filets blancs, formant un singulier contraste, sont pratiquées dans les murs. Elles constituent, avec les tapis, les seuls ornements des appartements. Ces enfoncements, superposés, contiennent toutes sortes d'objets disparates. Une splendide assiette de faïence antique d'une valeur inestimable à côté d'une courge desséchée. Un verset du Coran près d'étiquettes venant d'Europe, etc. Ces vulgaires papiers coloriés représentent aux yeux des indigènes des peintures artistiques du Frangistan. La pièce que nous occupions donnait sur le jardin. Elle avait trois fenêtres formant extérieurement une espèce de loge qui, ainsi que je l'ai mentionné déjà, est la place des maîtres du logis. Plus élevée que le reste du parquet, elle était garnie d'épais tapis de feutre foulés et de coussins de grandeur différente. On voyait entassés dans un coin les objets de couchage masqués par des couvertures multicolores. Les persans n'ont pas de chambre à coucher spéciale. Les matelas sont étendus le soir dans la pièce qu'ils occupent le jour. La maison du maire avait encore un aspect de fête du Nowruz qu'on venait de célébrer. Des œufs peints en rouge me rappelaient les œufs de Pâques. Des soucoupes où s'épanouissait une verdure touffue produite par des graines de millet étaient placées ça et là avec la symétrie que met une ménagère soigneuse à embellir son intérieur. Tout ce petit luxe, joint à celui de la propreté, me fit l'impression la plus agréable. Le sous-gouverneur de la localité vint me complimenter et m'offrit deux agneaux comme provision de route. Ces cadeaux, hommages aux voyageurs de distinction, coûtent à ceux-ci le double de leur valeur par le pêche-cache donné au porteur. Hassan, notre cuisinier, égorgea aussitôt ces innocentes bêtes dont il nous servit le soir même les têtes accommodées à la sauce du pays. Les caravanes suivent rarement la route postale, surtout au moment de la fonte des neiges, lorsque les cours d'eau sont difficiles à franchir. Les muletiers laissent aller les bêtes de somme par des sentiers détournés, se fiant à leur instinct, souvent plus sagace que celui des hommes. Pour faire avancer leur mulet, ils ont un cri particulier qui ressemble à un gémissement. Mais cet encouragement ne change pas leur allure. Ils vont d'un pas sûr, sans se presser, par les chemins les plus tortueux et les plus difficiles. Là où la route offre quelques dangers, on remarque une infinité de bouts d'étoffe, de rubans, de fils noués aux arbustes. Ce sont des ex-voto représentant des vœux à accomplir, tels qu'un cadeau à une mosquée, une aumône, un pieux pèlerinage, etc., auxquels s'engagent les passants s'ils arrivent à bon port. Sur la voie postale que nous suivions, il y avait bon nombre de villages dont les habitants me paraissaient moins fanatiques qu'aux Mazandéran. Partie le matin de Kurdan, la caravane s'arrêta à Kishlik. Note, quartier d'hiver ainsi nommé à cause de la douceur du climat. Fin de note. Un campagnard nous offrit l'hospitalité. Sa maison rappelait celle du maire de Kurdan. Il y régnait la même propreté, mais moins de goût. Partout, le paysan a ses tapis. C'est le fond de son mobilier, facile à emporter lorsqu'il change de demeure, ce qui est conforme aux habitudes nomades des habitants de ces contrées. La région environnant Kishlik produit beaucoup de blé. C'est la principale ressource du pays. Les vergers donnent des fruits abondants que l'on exporte frais et secs. Les villageoises ne se font aucun scrupule de montrer leur visage découvert devant les hommes. Les habitations ont toutes un andéroun où les femmes se tiennent avec leurs enfants. Notre hôte de Kishlik avait 3 épouses, luxe que peu de paysans se permettent. La plus âgée des 3 semblait la mère des 2 autres qui étaient sœurs. Hasard étrange, chacune d'elles nourrissait un fils. L'un avait 3 mois, l'autre 2 et le troisième 4 semaines à peine. Ce trio de mères nourrices paraissait vivre en bonne intelligence. Assise autour du coursi, près duquel étaient placés 3 berceaux, elles se penchaient de temps à autre sur la couche de leur nourrisson et lui tendaient le sein sans le déranger. L'usage des persanes, en effet, est de laisser leur enfant attaché et étendu tout le jour dans son berceau, fait de manière à ce qu'il ne soit jamais couché dans l'humidité. Cette immobilité à laquelle le nouveau-né est condamné pendant les premiers mois de son existence a peut-être quelque influence sur l'indolence caractéristique des mouvements des persans. Ma toilette était, pour ces paysannes, un objet de curiosité. Toutes voulaient essayer mes vêtements. Une d'elles m'offrit un petit miroir brisé. La fine campagnarde, connaissant les habitudes du pays, c'est la répétition des agneaux reçus quelques jours auparavant, savait que je lui donnerais en échange de son débris de glace de quoi acheter un nouveau miroir plus beau que le premier. Fin du 49e chapitre.